salama na watu wote. Apana chuki, apana tena matengano. Salama na watu wote. Biblia yasema tutafuta amani popote. Salama na watu wote. Biblia yasema tutafuta amani, amani yeah. Salama na watu wote. Apana chuki, apana tena ubaguzi yeah. Salama na watu wote. Je, wewe unakuwa mpingaji asiyependa maendeleo? Mbona usikie moyo kumia kutopatana na watu wote? Tutatoka toka hapo ulimwengu, tutakwenda kumuona Yesu. Jambo gani utamutolea Mungu ukitoa ripoti yako? Amani ya Mungu, amani ya Mungu. Afrika, Equateur et Bakongo, Katanga Amani, Amani. Tafuta amani na watu wote Ituri. Amani, Amani. Amen, amen. Soyez tombé quand tu vas leader boy. Puisque toi l'équipe qui m'a. Yes, I beg you, so pass on the land and I to salivate. Uncle, tell me, sit him over the table because I'm a compass. Go bet you, my Molo, Molo, let him know, let him know, Amani. Les fêtes, yes, de manifester ta faculté de vouloir, d'être crucifié sur la croix de Golgotha. Ta mort si la croix a payé le prix de ma délivrance. Seigneur, que la paix soit dans tes nids et la tranquillité au Congo. Alléluia. Au Congo. Yokali bondeli, yabiso banae. Yokali bondeli, yabiso banae. Toko senga, to sengine kimia yawe. Toko senga. na ki mwana na yo Yes wa ya to kufe la yo Ye ala kisa ki bolingo Oyonga na mona tse na mokino yo mokima ye Yako na yebi bolingo na yo mokofu Bandara, Batoba Tambola Gotea, Haru, Ariwara Kuna Bayebi, Baba Kota Sin Suda, Uganda Bayebi, Alo Simao Eko Chauffe, Kozana Ser Milka, Ser Milka, Azamana Mukeme, Zambate Logo Nagatina, yes, Solo la Konamani, Gloire à Jésus, merci. N'a pas de bonition sans la paix, n'a pas de tout dans la paix. Il n'y a pas d'évolution sans la paix. Il n'y a pas d'évangélisation sans la paix. Oh, sans la paix. Sois le maître du temps et des circonstances. Sois le maître de paix. Il n'y a pas d'évangélisation sans la paix, il n'y a pas d'évolution sans la paix.